C'est la grande haine que tu retrouves dans les sectes sataniques qui font partie de l'opposé de l'amour, de l'autre côté. Ben, je vous parlais des deux trinités. L'autre trinité, j'en parlais plus tard. Ah, la trinité supérieure, c'est les voies d'ailleurs. Non, la trinité au-dessus de Frère Bernard dans notre monde, elle nous autres, dans notre monde, elle dit que t'étais déjà. Dans notre monde, elle nous autres, dans notre monde, elle nous autres, sur notre clan, ça constitue faire partie de ça, de cette autre trinité-là. C'est pour ça que je dis à vous autres, vous allez comprendre un jour, que dans notre monde, à nous autres, il y a ni Val, il y a ni Yank. Parce que, t'es neutre. L'intelligence qu'on a, nous autres, dans notre monde, elle est neutre. L'amour qu'on a dans notre monde, elle est neutre. Fait que, vous autres, si vous avez de l'amour spirituel, puis de l'intelligence créative, subjective, puis de la volonté subjective, ça fait partie du bon. Il y en a qui ont de l'intelligence négative, de la haine, de la volonté, de la terre, ça fait partie du vert. Ça, ça fait partie de l'évolution. Ça fait partie des cycles historiques où les hommes étaient pris entre le bien et le mal. Dans l'autre cycle, les hommes feront partie de la troisième trinité. Et leur intelligence sera neutre, leur amour sera neutre, leur volonté sera neutre. Ils seront simplement des canaux. Moi, ils représentent cet homme-là où la volonté n'est plus subjective, l'intelligence n'est plus subjective et l'amour n'est plus subjectif. Elle est ici. Dans le sens que l'amour ne contient pas la haine et la haine vice-versa. Bon, ça c'est intéressant. Parce que l'amour qu'on a contient toujours de la haine. Okay. L'amour, on va prendre l'amour. L'amour de cette troisième trinité-là, l'amour neutre, peut se servir de l'amour positif ou de la haine, qui est l'amour négatif. Autrement dit, je vais donner un exemple. Supposons qu'il y en a un parmi vous autres qui m'aillerait, c'est rien à m'aillir. Je me servirais de son énergie, puis je la transmettrais à son énergie, puis elle deviendrait amour, son énergie. Comment? En étant neutre. Automatiquement. Même dans vos expériences personnelles, si vous avez eu envers moi des sentiments un petit peu, au début, naturels, là, ma neutralité vous a amené à tuer ça. C'est ma neutralité. Si j'avais pas eu la neutralité, si j'avais été ben, si j'avais eu l'amour subjectif, positif, puis la volonté subjective, positive, puis l'intelligence subjective, positive, vous auriez vu dans cet amour-là, une certaine sorte de limite. Dans cette intelligence-là, une certaine sorte de limite, dans cette volonté-là, une certaine sorte de limite. Puis cette limite-là n'aurait pas pu correspondre avec ma manifestation en tant que personnalité. Fait que ça n'a pas marché. Comme c'est pour ça. La haine se cherchait, la peine à nous autres, une forme d'amour à nous autres, de dos pinède, peu importe, se cherche toujours une forme où elle est. Ah! Que ça ne trouve pas de c'est ça. Bien. C'est ça, exactement. C'est pour ça que, c'est simple, prends des maîtres, il y a des grands maîtres dans le monde, des hommes évolués, il y a des gens qui vont les voir, puis qui leur trouvent des problèmes, ils leur trouvent des faiblesses. Mm-hmm. Pourquoi? Parce qu'ils sont tous dans le positif, mais c'est pas neutre. C'est pas fait qu'ils reviennent et disent, ouais, j'ai bien aimé ça, ça a été intéressant mon expérience, il était bien beau, bien fin, tout ça. Il y a des bonnes relations dans le coin. Mais ils vont trouver des petites faiblesses. Ils vont dire, ah, les gens se prenaient avec des balais, puis ils enlevaient la poussière, ils n'ont rien eu, ils jetaient des fleurs à terre, ils m'achetaient des pétales. Tu sais, l'ego, il va jouer. Tandis que quand t'es neutre, quand t'es plus dans la forme, quand t'es neutre, dans l'intelligence, dans la volonté, et là-haut, ces erreurs-là, tu peux pas les commettre. Parce que t'es totalement individualisé, t'es totalement centrique, pis y'a rien qu'une chose qui compte. C'est les gens que tu rencontres, c'est les amener à une vibration où eux autres peuvent passer de la dualité à la neutralité. Fait qu'automatiquement, c'est, moi j'appelle ça des erreurs psychologiques, ces erreurs-là, tu peux pas les commettre. Fait qu'automatiquement, les gens montent, les gens en arrivent comme toi, à cette neutralité-là, pis à cette neutralité d'intelligence, neutralité d'amour, neutralité de volonté. Puis c'est là que leur individualité commence. Puis c'est là qu'ils deviennent eux-mêmes des maîtres. Mais en eux-mêmes, libre agents, et ils ne doivent rien à personne, puis ils n'ont pas besoin de balayer personne. En gros, ta femme, Bernard, un certain qui compte les pieds qui est continuellement après toi, là, puis si tu la regardes positivement. Non! Non, mais je veux dire, c'est. Non, pas positivement. Neutre. Neutre. Neutre. Neutre. tu vas voir qu'il t'aide, puis il va intégrer une certaine résistance. Puis il y a toujours quelque chose de positif à sortir de ce genre de vibration, puis il va qui au départ, qui a l'air d'être pratiquement contre toi, mais en définitive, c'est un plein jeu qui t'aide au lieu de te nuire. Ça va tout servir. Il faut que tu sois l'heure. C'est l'heure, ça va servir. Si j'ai une balle, je t'envoie sur le mur, si un mur, elle va rebondir. Si elle n'a pas de mur, elle va rebondir. C'est pour ça que c'est si important la neutralité. C'est essentiel la neutralité. Puis on l'atteint par ces changements vibratoires-là. Parce que ça peut plus être au niveau du bien vivant. Les gens disent, comment ça se fait que l'archevêque un tel, il fait telle chose? Ben regardez le pape dernièrement. Il a parlé à Rome, là, des journaux. Il a dit quelque chose, c'est un statut de crache. Ben, c'est le pape. Ça crée des chocs dans le monde. Les gens disent, comment ça se fait qu'un gars de même parle de même? Pourquoi? Parce qu'il n'y a pas de mots juste. C'est pas ça qu'il voulait dire. Et c'est ça qu'il a sorti des journaux. Puis la neutralité, à ce moment-là, c'est un autre niveau du ciel. Que l'homme n'a pas connu. Parce que l'homme a connu la dualité, l'évolution. L'autre phase, c'est la neutralité. Fait que l'amour est ici, l'intelligence est ici, l'humeur, la volonté est ici. Mais ton ego n'est pas en jeu, t'es un canal. C'est ça que je dis. Si le monde pense que t'es bien fait, t'es bien dit, d'ailleurs, c'est là qu'on aime, c'est pas le fait. C'est comme moi, je vous parle, des fois, je vous accroche, comme une fois que je t'accroche en soir. Je t'accroche pour te faire réaliser quelque chose. C'est quelque chose. Puis je le fais parce qu'il faut que je le fasse. Parce que les gens qui sont le plus prêts à comprendre certaines choses, il faut qu'ils les comprennent, ces choses-là. C'est tellement nuancé que je vous fais passer par mon champ d'énergie pour que je prenne le choc de la situation. Si je te dis quelque chose à toi, si je te dis quelque chose à toi pour ton évolution, ce que tu te fasses, là, c'est ton affaire, c'est pas rien. Mais si je te dis quelque chose d'autre, tu me prends objectivement à ce moment-là, tout le monde. Bon. C'est pour ça, Bernard, il n'y a plus rien qui me touche, même si je sens qu'il y avait à soi. Oui, mais toi, c'est. Oui, il y en a d'autres, ça y touche. Ça dépend du monde. Mais même si t'avais la vibration d'eux, tu dirais même pas ça. Le fait que tu dis qu'il n'y a rien qui me touche, c'est parce que t'es pas connu. Je t'aime. Mais. C'est ça, l'amour. L'amour, c'est pouvoir se mettre dans une situation de combat avec l'ego pour amener l'ego à être neutre. Ça, c'est l'amour cosmique. Ça fait détester pour amener l'ego à être neutre, parce que quand t'es neutre, tu peux changer n'importe quelle entité. Ça prendra du temps que ça voudra. Changer n'importe quelle entité. Parce qu'il s'agit simplement de changer tes vibrations. Automatiquement, tu changes. Mais, faut que l'ego en arrive à être neutre. C'est ça que j'appelle l'objectivité de concert. Faut que quelqu'un le fasse. Avant que toi tu puisses le faire, faut que moi je le fasse. Quand toi tu pourras le faire, ça se transmet, ça se transmet, ça se transmet, ça. Fait que moi des fois je vous accroche en public, c'est pas pour vous faire honte. J'ai pas de temps d'aide. Mais c'est pour vous faire réaliser des nuances que moi je paye, que vous autres vous pouvez pas pogner, mais qu'un jour vous allez saisir. Et on devient pas mal sur un cœur. Ben, je veux dire, les choses, une douche, à l'aucun temps où je me partais qu'il y avait... C'est parce que vous êtes plus objectif. Vous êtes plus objectif. Vous avez plus d'objectivité envers moi aujourd'hui que vous aviez quand vous m'avez rencontré. Donc, j'apprends, c'est là que la grande chose, tout va se lever. J'ai donné une conférence, la dernière conférence, il y a un petit gars qui vient me voir. Il tremblait. Comme une feuille. Petit gars bien spirituel. Il dit, je suis pas d'accord avec votre affaire. Il dit, la connaissance, donner de la connaissance, puis charger pour la connaissance. Il dit, les maîtres chargent pas pour la connaissance. J'ai dit, bon. D'abord, je suis pas un maître. Ça prend une chose. J'ai dit, d'abord, ça, j'ai dit, tant que ça va vous fatiguer que je charge pour la connaissance. Bon, chargez faux. J'ai vu. Tant que vous allez être accroché à la forme, je vais charger faux. Fait que le petit gars, il dit à moi, il dit, ben ouais, mais il dit, c'est pas normal, il dit, il chargeait de la connaissance. Il revenait en cours là. Fait que là, là, pour lui faire comprendre un petit peu plus, j'ai dit, dans votre chambre chez vous, là, regardez votre chambre, là, j'ai tout décrit sa chambre chez eux. Tout décrit sa chambre. Ses chaussettes, ce que c'est, pas de tout. Mais rien que ça, là, j'ai dit, quand vous comprendrez que vous pouvez pas le juger, là, moi, là, pas de voir le chef. Peut-être que vous avez raison. Peut-être que je suis le plus grand des charlatans. Je suis tellement intelligent que vous ne serez pas dessus. Mais vous ne pouvez pas vous permettre de... Tout d'un coup, que je suis pas un charlatan, mais je suis bon, seulement mes méthodes sont pas mal différentes. À ce moment-là, vous me tentez de rien. Je t'attendais, donnez-moi un break, un petit peu. Mais, hein, parce que j'avais décrit toute sa chambre chez eux, là. Là, ça va changer cette direction-là. Il y a du pouvoir. Peut-être que le gars a du pouvoir. Là, quand il est parti, il dit, ah, je suis content de vous avoir rencontré. J'ai dit, vous êtes content de m'avoir rencontré? Moi, j'ai dit, je suis content d'avoir vu votre chambre. Mais, tu viens fatigué. C'est pour ça que je peux pas faire ça. Hein. Tu viens fatigué. Parce que, t'aimes les hommes, tu regardes les hommes, tu connais les hommes, puis tu comprends les jeux de l'esprit. Tu comprends? Tu veux leur donner là, pour que ça marche, là, pour qu'eux autres puissent sacrer leurs 15 jours, ils sont bien. Puis tu sais que il y a toujours l'ego qui nous dit, c'est ça qui nous vide. Moi, quand je sens pas ça d'une chambre de niveau, je peux parler c'est ça. Hein. Pourquoi? Je repose dans le jardin. Mais il faut que les gens puissent être en harmonie avec ma peur. À ce moment-là, je donne. Donner, pour moi, c'est aussi facile que de recevoir. Regarde! De quoi? De l'amour physique. Tout bon. Monsieur Bessette me dit. Ça. Comment est-ce qu'il dit ça? Madame Bessette. Hein? Qu'est-ce qu'il dit ça? Ça stabilise les corps. On peut-tu revenir à Lucifer? C'est un bonhomme qui m'intrigue. Ça intrigue tout le monde, Lucifer. Ben, c'est parce que ce qui arrive, c'est que moi, je l'aime bien, moi, Lucifer. Bon. Drôle à dire, mais je l'aime bien. Je trouve que c'est un bon bonhomme. Parce que, d'après les cassettes, d'après toute l'affaire, là, c'est qu'il a contribué à une évolution, parce que c'était supposément un être, comment tu appelles ça, en contemplation. Il s'agit pas de l'aimer ou de pas de l'aimer, il s'agit de réaliser que dans l'univers, il y a des forces qui agissent d'une direction, puis il y a des forces qui s'agissent d'une autre. C'est très utile. Tout est utile. OK? C'est pas Lucifer qui est le problème. C'est pas Lucifer qui est le problème. C'est l'homme qui est ignorant. Quand l'homme sera plus ignorant, il pourra se servir des forces négatives comme des forces positives. C'est drôle, là, quand vous dites, là, qu'on est ignorant, ça fait bien des fois que vous dites ça, qu'on est ignorant. D'un côté, vous allez dire, c'est mon ego, ça me choque. Ça me choque parce que je sais que c'est pas nécessairement vrai. Quoi? Qu'on est ignorant. Mais oui, c'est vrai. On est ignorant, ou peut-être d'une manière. Mm. Mais d'autre côté, je sais que c'est pas vrai. Ouais, mais faut que tu comprennes ton intuition. Faut que tu comprennes ton intuition. C'est quand... vrai, puis c'est pas vrai. Ouais. C'est vrai. Parce que. C'est vrai parce que. Ça pas d'un côté. C'est vrai parce qu'on souffre. Pour rien. Pis c'est pas vrai parce qu'on a le potentiel de pas l'être. Répétez-moi ça. C'est vrai parce qu'on souffre pour rien. On souffre des formes. Mais c'est pas vrai parce qu'on a le potentiel de pas l'être. Il y a une partie de toi qui regarde là dans le passé, puis une partie de toi qui regarde là dans le futur. Pis ces deux parties-là ensemble te donnent le sentiment que t'as. Que c'est vrai pis c'est pas vrai. Mais c'est une qualité particulière à ton esprit de sentir que l'homme, que c'est pas vrai, que l'homme est ignorant. Parce qu'il y a une partie de ton esprit qui est claire. Puis la partie de ton esprit qui est claire, c'est la partie qui est en contact. Puis c'est ça qui donne l'impression que c'est pas vrai. Puis t'as entièrement raison. Mais c'est la partie de ton esprit qui est en contact qui te permet ça. Mais si t'avais pas ce contact-là, tu pourrais pas dire ça. M'en dis? C'est vrai. Mais je vais revenir, j'ai une tête de cochon, là. Je vais revenir à Lucifer. Quand il va arriver dans les trinités que vous parlez, là, ça, c'est une chose qui me chicote. Répondez-moi si vous voulez, vous voulez pas le faire. Quand il va arriver la fin des temps, on parle de l'Antichrist qui va se manifester, puis etc., par l'imposition. Ouais, OK. Par, je sais pas trop, une institution, etc. À ce moment-là, ça veut dire que Lucifer, étant donné que c'est un être de lumière, il faut qu'il retourne à la lumière automatiquement. Fait que ça veut dire que, il y aurait-tu dans la troisième trinité la fusion, ce serait la fusion de ça, là, hein, parce que. Bon, c'est ça. Ça répond à ma question. Ce qui arrive aux hommes doit arriver à la hiérarchie. Ce qui se passe ici doit se passer ici. Tout doit monter vers cette grande trinité-là, qui est la trinité des absolus. Quand on dit qu'il y aura des chèques et des suites, ben oui, il ne faut pas penser à ça. C'est capable. Ça, je vous dis, il faut en arriver un jour à plus pouvoir penser. Quand tu peux penser, là, tu peux visualiser ça, c'est pas une idée. Sans ça, tu es capable. Pourquoi est-ce que les gens vont ces autres plans et arrivent dans la matière avec tout ce qu'ils ont vu? Parce que s'ils pensent à ça, ils viennent regarder. Si tu vois ces autres plans, tu ramènes du matériel dans la matière. Faut pas que t'en aies la mémoire. Mais si ta connexion, ça revient, c'est là. Moi, je vais boire. Ça serait intéressant de l'eau, n'importe quoi. Ok, là. Là, je veux vous parler d'autre chose, mais arrêtez question pour une quelques minutes parce que je veux vous parler d'autre chose. Ok. Moi, j'essaie de vous faire comprendre. J'essaie de vous faire comprendre vibratoirement, pas intellectuellement, mais vibratoirement. J'essaie de vous faire comprendre que un jour, les hommes peuvent savoir. Puis c'est pas important. Qui sache gros ou qui sache petit. Parce que ça marche pas de même. Parce que quand tu sais, tu penses pas. Fait que la quantité, puis où tu peux aller, ça n'est pas important. Puis quand l'homme va pouvoir voir dans l'invisible, l'homme va avoir accès à tout ce qu'il a besoin de lui. Puis si au niveau de votre ego, vous êtes capable de sentir cette vibration-là, que c'est pas important, un jour, à ce moment-là, c'est là que vous allez comprendre. Que en vous, il y a une intelligence infinie.